Donc normalement, avec ça, tu peux installer ça comme carte son. Ok. Par contre, est-ce que tu pourrais tenter d'entrer dans un serveur? Le nôtre, par exemple. Parce que là, je ne sais pas où tu es. Là, tu es Quel est ton problème, no, Georgia? nowhere. J'ai l'impression. Dis tout à tonton Ben. Ouais, bravo. Et voilà, un pas de fait. Et ben voilà, jusque-là tout est bon. Maintenant, t'as plus qu'à régler Et ça tes tombe audio pas bien. settings avec ton Alors, audio for all. Jean-Jacques. Jean-Pierre, Jean-Jacques. Non, c'est Jean-Jacques. Voilà. Est-ce GG. que c'est Jean-Jacques? GG. C'est pas Jean-Jacques Goldman? Ça y est, il est entré dans la. Maintenant, Attends. tu peux écrire dans le salon. Je sais pas. C'est Goldman! Oh non, c'est Goldman! Oh ouais! Chouette! Maintenant, tu peux écrire ici et plus dans le chat. De l'autre côté, tout en haut, tu vois, il y a marqué chat. Et là, voilà, bravo! Et si quelqu'un écrit en anglais que tu ne comprends pas l'anglais ou l'italien ou l'espagnol, blablabla, à côté de ton chat, il y a un petit T. Donc, quand on écrit quelque chose, il y a un petit T et tu pourras cliquer dessus, ça te traduit. Va croire que je le prends pour un mongol.